Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'Omnescente. Contre le mal de ce qu'il a créé. Contre le mal de l'obscurité quand elle devient ténèbre. Contre le mal des sorcières qui soufflent dans les nœuds. Et contre le mal de l'envieux quand il envie.